Philippe s'enfourche et bon retour à Paris après ces longues semaines voilà, nous avoir fait vibrer là-bas en Russie. Je me tourne vers nos quatre invités puisque Nicolas évoquait ces deux noms, Griezmann, Mbappé. C'est simple, je vais vous demander un nom pour terminer. Une question en deux mots, Ballon d'Or, Sébastien Tarrago. Je vous voyais venir. D'un mot. Pourquoi pas Modric quand même, ne l'oublions pas, qui a gagné la Ligue des Champions, est en finale de Coupe du Monde, mais sinon Mbappé. Jean-Philippe, moi je milite beaucoup sur Varane parce que les titres ont une importance fondamentale. Varane est quand même champion d'Europe, il est champion du monde, il a une valeur ajoutée énorme sur le triomphe des Bleus. Donc pourquoi pas un défenseur? Cannavaro l'a eu en 2006, donc Varane est aussi légitime. Dave Apadou. Griezmann, l'homme des deux finales qu'il a joué. Il a été auparavant, il n'avait pas été très grand dans ses finales. Là, il a été grand en finale de Ligue Europa, très fort en finale du Mondial. Allez, Griezmann. Christian Olivier. Comme Dave Apadou, effectivement, ça a été le meilleur joueur offensif de cette Coupe du Monde. Il a marqué en Ligue Europa, effectivement. Dans le tableau d'honneur des footballeurs français buteurs, il égale désormais Zidane. Il est à 2 encablures de Platini. Non, 4 encablures, 4 buts de Platini. Ça a été les passes décisives également, buteur, Griezmann. Griezmann, mon favori. Merci beaucoup Christian Olivier, le chef des sports de RTL. Ça me donne l'occasion d'ailleurs de remercier vraiment tout le service des sports de RTL pour ce mondial que nous avons vécu ensemble. Toute la rédaction reste mobilisée toute la journée pour cette édition spéciale. Le retour des Bleus, ce sera à suivre. Vous ne manquerez rien sur la première radio de France. Et dans un instant, Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz. À tout de suite. RTL. Il va dégager Hugo Lloris, il va dégager. Il y a tous les joueurs de l'équipe de France sur le banc. Champion du monde. L'été, chez Castorama, vous avez tout à gagner pour vos projets. Et oui, en ce moment, c'est notre grand jeu, le jackpot de l'été. Avec plus de 200 000 euros de lots à gagner et des gagnants tous les jours dans chaque magasin. Alors rendez-vous vite chez Castorama pour tenter votre chance et participer au grand tirage final du jackpot de l'été pour peut-être remporter une cuisine posée ou une salle de bain posée. Castorama, ensemble on peut tout faire. Jeu valable du 13 juillet au 20 août. Voir règlement en magasin. Liste et horaires des magasins sur castorama.fr. Des rencontres sur Internet. Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Belle matinée sur RTL. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin dès 6h30, puisque demain matin, voilà, nous commençons les programmes d'été sur la matinale de RTL. Et Bérénice, bien sûr, sera là à partir de 5h sur RTL. Bérénice Bourgueil. Oui, vous le rappelez, belge, effectivement. Et nous sommes tous un peu jaloux ce matin, je dois le dire. Nous sommes tous un peu jaloux de Bruno Guillon. Oui, je suis avec Caroline Diamant et je sais que vous aimeriez animer votre matinale avec elle. Mais... J'embrasse Caroline. Oui, c'est tombé sur moi. Oui, vous avez été tiré au sort, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Belle journée, bon courage pour cette émission. Merci. Après cette courte nuit, Bruno. Oui, merci Jérôme, merci Caroline. Non, mais là, pour l'instant, la voix tient. L'essentiel, c'est qu'elle tienne jusqu'à 11h. Voilà. Allez, on vous retrouve demain matin, 6h30. Merci, avec plaisir. À demain. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour et bienvenue sur la première radio de France, bienvenue sur RTL, j'espère que ça va bien. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno. J'ai regardé le foot. Mais je sais. Oui, je le lis en direct sur RTL ce matin, si vous ne l'avez pas entendu. Nous sommes champions du monde. Félicitations aux Français. Félicitations aux aubergines. J'ai envie de les saluer aussi ce matin. Et ce matin, c'est sous le signe de la Coupe du Monde qu'on va attaquer le grand quiz de l'été. Voilà, on vous offre des séjours au parc Astérix. Absolument. Oui. Mais j'attends que vous disiez ce qu'il y a dans ces jours. Attention, moi il faut que vous compreniez quelque chose. Attendez, pour une fois que je m'intéresse au foot, j'étais là en pleine Coupe du Monde, j'étais là sur la finale, j'étais sur le gazon, j'étais en train de rêvasser, il y avait 4 buts et tout à coup, je tac. À propos de 4, d'ailleurs, c'est un séjour pour 4 personnes. Bien joué. Joli enchaînement, c'est la Mbappé de ce matin. Ah oui, j'ai comment on dit les... Non, je ne connais pas les termes de football. Mais c'est ça. Alors, vous enflammez pas. Oui, non, c'est pas grave. Vous allez gagner un séjour au parc et hôtel Parc Astérix et vous allez vivre une expérience authentique entre famille ou entre amis. Vous ferez comme vous voulez. Vous allez découvrir 45 attractions et spectacles. Ils sont irrésistibles. Vous voulez des informations qui soient plus claires avec quelqu'un qui ne se chevauche pas sur chaque mot? Vous allez sur le site parcastérix.fr. Allez, on commence à jouer avec Dominique qui est avec nous et du côté de Fort du Plasme. Bonjour Dominique. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Dominique, bienvenue. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur la première radio de France. Bon, merci. Évidemment, je vais vous poser cette question. Dominique, est-ce que vous avez suivi le match hier et où l'avez-vous regardé? Si tant d'aventure, vous l'avez regardé d'ailleurs. Oh, je l'ai regardé en pointillé, mais en famille. D'accord, en pointillé. C'est-à-dire que c'était entre la poire et le dessert. C'est, voilà, oh, il y a un but. Ah oui, mais attends, il y a le rôti. Hop, il y a un but. Ah, il y a le dessert. Voilà, avec les petits-enfants, donc. D'accord. Voilà. Bon, Dominique, je regarde votre fiche et je vois qu'il y a un film. Oui. Qui me donne envie de me poster dans le dos de Caroline Diamant. Et je l'imagine dans une salopette en train de faire de la poterie. Voilà, tout à fait. Mon menton se pose sur son épaule, mes mains se posent sur les siennes et ensemble, nous démoulons un joli pot de terre cuite. Voilà. Je vois que Ghost est votre film culte. J'aime bien, j'aime beaucoup, ouais. Ouais. Oui, ouais. C'est vrai que d'un côté, Patrick Swayze, Demi Moore, de l'autre côté, Bruno Guillon, Caroline Diamant, on a quand même deux salles, deux ambiances. Cela dit, on leur ressemble peut-être maintenant. Non plus. Ah bah non, bah non, je suis bah, Patrick Swayze, j'aime autant pas lui ressembler maintenant, si ça vous dérange pas. J'ai encore un crédit sur la maison et deux, trois trucs à voir venir. Dominique, je vous rappelle le principe du grand quiz de l'été. Vous allez tenter de répondre à des questions que Caroline Diamant va vous poser. Oui. C'est vous qui allez établir le premier score à battre pour gagner le premier séjour au parc Astérix. D'accord. Donc, il convient d'enchaîner un maximum de bonnes réponses. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous repartez en plus avec un chèque de 1000 euros. D'accord. Dominique, est-ce que vous êtes prête? C'est un lendemain de Coupe du Monde. Oui, attendez, bien. On est champion. Oui, oui. Attention, Dominique, top chrono, c'est parti. Contre quelle équipe la France a-t-elle remporté la finale de la Coupe du Monde de foot hier soir? La Croatie. Quel voyage en amoureux suit traditionnellement le mariage? La lune de miel. Par quel insecte Pierre Richard se fait-il piquer dans la chèvre? Par une guêpe. Quel corps de métier organise traditionnellement un bal le 14 juillet? Les sapeurs-pompiers. Dans Friends, quel personnage est chef cuisinière dans un restaurant? C'est Courtney Cox. Monica. Quelle couche de l'atmosphère absorbe la plupart des rayons ultraviolets? Ozone. Quelle partie humide du chien est aussi une friandise au chocolat? Une truffe. Quelle cantatrice et femme de télévision a incarné l'excentrique Ulrika von Glott sur scène? Je sais pas. Pas. Quel alcool ajoute-t-on au sirop de menthe pour faire un perroquet? Du Ricard. À quel être maléfique attribue-t-on le chiffre 666? Passe. Quel est le premier acteur à avoir incarné James Bond? Le dernier. Ah oui. Sean Connery. Non. Et alors, oui, mais alors, bah c'est une bonne réponse. Alors on va compter, on va oui. compter. Le premier c'était Sean Connery, mais la question la réelle c'était quel est le dernier acteur? Daniel Craig. Oui, exactement. Mais on vous compte le point. On vous compte, le point Dominique. Parce que j'ai posé une mauvaise question, vous avez donné la bonne réponse. Bah là, oui, bien sûr. J'aime bien que vous preniez cette voie. Bah, bien sûr, vous comptez le point. Il n'y a pas de problème, Dominique. Et puis j'ai appelé pour voir si Marie-Thérèse pouvait donner les clés du camion, parce que sinon on va être emmerdé pour livrer l'armoire. 9h38, Dominique. Dans 3 minutes, nous allons revenir sur vos réponses. Et d'accord. J'ai peut-être des bonnes nouvelles à vous annoncer. J'ai peut-être du gros cadeau à vous offrir. Mais pour l'instant, descendons sur le dance floor pour attaquer cette semaine sur RTL. Voici Mojo avec Lady. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Heureusement, les Bleus n'en ont pas manqué hier de Mojo. À l'instant sur RTL, c'était Lady. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée, puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, eh ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama, offerte la première année. Non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir, économisons. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron, ils sont verts. Chez Lidl, ah, c'est pas trop tôt. Ah, mais non, c'est les citrons qui sont verts patron. Ici, ils ont plutôt la banane. Aujourd'hui et demain, le filet de 500 grammes de citron vert est à 1,29€. 1,29€ le filet de citron vert. Là, tu vois, je suis vénère. Je vois, mais vous pressez pas le citron patron, hein. C'est le vrai prix. Toi, prépare-toi à avoir des petits pépins, ouais. T'es mal, hein. Tu sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,58€ le kilo, origine Brésil ou Mexique. La route des vacances, c'est sympa. Jusqu'au moment où il faut décider où s'arrêter pour la pause. Monsieur veut son smoothie coco, le petit réclame une balançoire depuis 200 km, et moi, je ne repars pas sans ma salade au saumon. Mais cette année, grâce à l'application Ulysse, je peux trouver l'aire d'autoroute qui comblera nos exigences les plus folles. Avec Ulysse, Vinci Autoroute réinvente le télépéage et vous simplifie la route des vacances avec toute une gamme de services. Découvrez-les vite sur ulysse.com ou téléchargez l'application Ulysse. Vinci Autoroute, bien arrivé. RTL, le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été de ce matin et Dominique, première candidate qui va tenter de repartir avec le séjour au parc Astérix. Dominique, on va revenir, si vous le voulez bien, sur les réponses de votre premier questionnaire. Et en fait, je vais vous avouer quelque chose. 10 bonnes réponses d'affilée vous auraient permis de repartir avec un chèque de 1 000 €. Et j'y ai cru, Dominique. Moi aussi. J'y ai cru et j'étais comme hier soir. Prêt à envoyer des feux d'artifice. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron étaient derrière la porte, oui. Prêtes à vous féliciter et vous chutate sur la cantatrice et femme de télévision qui a incarné l'excentrique Ulrika von Glot sur scène. Et Maria Ulrika, et Virginum Sanctus, et in Spiritum, Loana Blondum Petasum. La folle Marianne James. Je trouve que c'est un bon qualificatif qui lui va ravir au-delà du fait d'être charmante et très très drôle. Et là, vous auriez eu un point. Oui. Et puis il y a Satan également, le chiffre 666, c'est le chiffre de la bête, le chiffre du diable. C'est le chiffre de Bruno. Oh. Je suis gentil, je suis un petit ange, moi, avec vous. Bon, alors, premier score de la matinée, c'est donc le score à battre avant 10h15. Dominique, vous cumulez 9 bonnes réponses. C'est bien 9 bonnes réponses. Mais c'est bien. Dans un premier temps, c'est une montre RTL qui part chez vous du côté de Fort-du-Plasme. Enfin, qui part, on l'aide avec un dans petit colis autour. Oui, bien hein sûr. Oui. En visant bien, je peux l'acheter. Et Dominique, peut-être que je vous retrouverai avec grand plaisir dans une demi-heure pour vous annoncer une bonne nouvelle concernant le parc Astérix. D'accord ? Oui, je vous remercie. Je vous embrasse, à tout à l'heure. À tout à l'heure, peut-être. Et merci encore. Mais d'ici là, d'autres candidats vont venir nous rejoindre. C'est le cas de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe, bienvenue sur RTL. Allô ? Excusez-moi, j'ai un moustique qui a failli me foncer dans l'œil. Je ne sais pas comment il est rentré dans une pièce hermétique. Peu importe. Alors, je vous aimais beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'ai, qui m'a beaucoup plu dans vos anecdotes. Vous avez rencontré votre femme sur votre lieu de travail et vous avez écrit « Coup de foudre ». Alors moi, je veux que vous me racontiez le coup de foudre. Bah, c'est la première fois que je l'ai rencontré. J'étais sur mon lieu de travail, elle aussi. Et nous accompagnons des personnes en situation de handicap. Et quand je l'ai vu la première fois, c'était le coup de foudre, comme je vous ai dit. C'est mais alors, comment vous, l'avez comment vous l'avez approché, Christophe ? Parce que oui, on peut avoir un coup de foudre, mais après, il y a le moment où on s'approche, il y a la technique de drague, de séduction. Bah, je dirais que la nature a fait les choses comme elle devait faire. C'est que bon, on s'est rencontrés dans le cadre de notre travail et puis après les relations se sont rapprochées de plus en plus et puis à l'heure d'aujourd'hui nous sommes ensemble. D'accord. Et on a un très beau garçon ensemble. Ah oui, donc ça s'est vraiment très très rapproché cette histoire. Quand il y a des enfants qui arrivent, c'est qu'en général il y a du rapprochement non protégé. Hein, on va pas se mentir. C'est non mais sûr. C'est fabuleux. Mais bien sûr, enfin c'est fabuleux, pas pour ceux qui attendent à la photocopieuse, hein, qui sont en train d'attendre pour photocopier des feuilles et qui derrière la porte de la photocopieuse entendent des sons du genre. Voilà, et c'est très gênant, excusez-moi de vous le dire, j'ai vécu ça avec vous, Caroline, l'été dernier, et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, on a acheté la photocopieuse depuis. C'est ça, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu, la pauvre. Non, Christophe, écoutez, c'est toujours beau entendre des belles histoires d'amour, surtout qu'aujourd'hui, le pays n'est qu'amour grâce à la Coupe du Monde. Et le pays n'est que beau jeu. Eh bien, j'espère que vous allez faire preuve de beau jeu. Christophe, dans quelques secondes, je vous pose les questions pour tenter de vous offrir un séjour au parc Astérix. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, sans problème. Laissez cette photocopieuse tranquille. On revient juste après ça. Belle matinée sur RTL. Bonjour, c'est Julien Courbet, où que vous soyez. J'espère simplement que le soleil vous fait du bien. C'est l'été, c'est un été RTL. Le chassé-croisé des vacances, c'est maintenant chez Feu Vert. Jusqu'à moins 30 euros sur la révision toute marque. Garantie constructeur préservé, bien sûr. Offre valable jusqu'au 11 août, voire conditions sur feuvert.fr. Commerçants, artisans, restaurateurs, vous avez besoin de recruter rapidement ? Envie d'un outil efficace pour trouver votre prochain employé ? Sur cornerjob.com ou sur notre application, recrutez de façon simple et rapide. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contactez les candidats directement sur leur mobile. Cornerjob, rejoignez l'équipe. Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leurs terres et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste. Demandez notre brochure legs. Appelez au 01 44 82 80 82. CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim. Leclerc. Juliette, attends-moi, je vais nous prendre des pêches et des nectarines. Ah ouais, c'est très très bon ça. Bien sûr que c'est très bon de manger des fruits de saison cultivés en France. Et l'été, c'est la pleine saison. Des pêches et des nectarines, jaunes ou blanches. Voilà, et à prix Leclerc. Du 18 au 21 juillet chez Leclerc, les pêches et nectarines jaunes ou blanches, calibre A Origine France, sont à 1,99€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Elles sont sucrées et juteuses, j'adore. Un vrai bon fruit de saison. RTL, le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été avec Christophe de Marle-les-Mines. Christophe, 9, c'est le score à égaler ou à battre pour être en course pour le séjour au parc Astérix. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Astérix et péril. Voici la série de questions top chrono, c'est parti. Quel joueur a marqué le quatrième but français contre la Croatie hier soir ? Alors, il s'agit de Mbappé. Quelle charcuterie est la spécialité de Montbéliard ? la saucisse. Selon le générique d'un dessin animé, qui n'est pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit ? Le Capitaine Flamme. Quel phénomène naturel est le Simoon ? Un vent. Quelle actrice était surnommée la Grande Sauterelle ? Sophie. Quel est l'autre nom du jeu de main appelé Shifumi ? Je passe. Quel métier exerce une personne qui aiguise des couteaux sur une meule ambulante ? Un affûteur. À quel groupe doit-on le tube Highway to Hell en 79 ? Je passe. À partir de quel fruit fabrique-t-on le gâteau appelé le Congolais ? Je passe. Combien y a-t-il de faces sur un 45 tours ? Une. Quel est le nom complet du fameux cachou ? 1-1. La jaunie. 1-1. Je passe. Mais de toute façon, le chronomètre était fini. Et je peux vous dire que la mère Foura faisait du vent depuis tout à l'heure. Ça va, la mère Foura ? Vous avez soutenu l'équipe de France hier soir ? Ça veut dire oui. Ah oui, elle mouline à des bras, là. Bon, allez, on revient sur les réponses de Christophe avec Caroline. On se fait le plaisir de réécouter le but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé face à Vida. Oh ! J'aime bien. Peut-être qu'on pourrait écouter également le but de Griezmann. Peut-être qu'on peut écouter le but de Pogba, peut-être. Il n'y a pas le Pogba. Une première fois et la deuxième. Peut-être qu'on peut écouter le... Ah, ça se ressemble beaucoup. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. L'actrice que l'on surnommait la Grande Sauterelle, c'est Mireille Darc. Qui nous a quittés, mais qu'on aimait beaucoup. Délicieuse femme. Quel est l'autre nom du jeu de main appelé Shifumi ? Vous savez, c'est le fameux pierre, papier, ciseaux. Ah ouais. Mais oui, bon, ça vous est pas revenu, c'est normal. Le métier qu'exerce une personne qui aiguise des couteaux sur une meule ambulante, on voulait rémouleur, mais vous avez dit affûteur. Eh bien, figurez-vous qu'affûteur, c'est bon aussi. Et alors, le groupe à qui l'on doit, le tube Highway to Hell ? Même moi, je connais ces hard rockers, AC/DC. Oui, ça peut vite lasser. À partir de quel fruit fabrique-t-on le gâteau et le congolais ? Ça lasse pas, ces lycées. Pourquoi voudriez que ça nous lasse ? Non, mais là, on entendait I wait well. C'est pas comme s'il y avait un texte. Alors, ça, c'est qui... à mettre aussi. Hein, donc, sur les trucs qu'elle aime pas, il me faut un autre cahier. Moi, ça y est, j'ai fini avec la semaine dernière les trucs. Donc, ça, elle aime pas non plus. ACDC. Ok. Mais si, ça, j'aime c'est fait. Bien. Okay. Attendez, bougez pas. Je regarde sur le cahier des choses que vous aimez. Il y a toujours que mon dessin, hein, pour l'instant. Il va falloir nous trouver des trucs avant la fin de l'été, hein, Caroline. Je vais vous faire une liste, vous allez voir. Ouais. Le congolais, c'est un gâteau à base de noix de coco. Délicieux, un peu sucré. On va pas se mentir. Alors, combien y a-t-il de faces sur un 45 tours ? Vous en avez mis qu'une. Je vous en mets une deuxième. Bon, Christophe, revenons sur le score. C'est important. 9, c'est le score à battre pour cette première heure. Et vous totalisez 4 bonnes réponses, insuffisant pour le séjour au parc Astérix, mais bien suffisant pour repartir avec une magnifique montre RTL, collection été 2018, que je vous fais parvenir dès aujourd'hui. D'accord, Christophe ? Je vous remercie beaucoup. Christophe, et belle journée. Le plaisir pour moi, c'est d'avoir participé, c'est le principal déjà. Et ben, vous savez quoi ? L'essentiel, c'est de participer. Et de remettre un petit peu d'ACDC pour Caroline Diamant. Oui, mais vous êtes un sadique aussi. Il suffit que je vous dise que j'aime pas trop un truc et voilà, c'est en boucle. Non, le problème, c'est que vous n'aimez pas trop tous les trucs, Caroline. Donc forcément, la boucle tourne, forcément. Mais oui, mais ça me vient pas là, ce que j'aime. Allez, vous jouez avec nous, 32-10, pour jouer au grand quiz de l'été sur RTL, les réseaux sociaux avec le hashtag RTL Quiz. On revient juste après ça. Belle matinée sur RTL. Noroto. Oh, le vélo, c'est super. Enfin, surtout quand on pédale sans effort. Chez Noroto, si vous achetez un vélo à assistance électrique, on vous offre 200 euros de réduction. Moi, ça me branche bien. Jusqu'au 28 août chez Noroto, profitez de 150 euros de réduction et de 50 euros d'accessoires vélo au choix pour tout achat d'un vélo ou escral à assistance électrique. Ah, maintenant, vous êtes au courant. Noroto. Conditions sur noroto.fr.

Flash avec Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Ils sont champions du monde pour l'éternité. Un deuxième sacre hier, 20 ans après 98. Victoire 4-2 contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde. On entre dans l'histoire, dit Antoine Griezmann. Un rêve de gosse pour Olivier Giroud. Je suis le plus heureux des hommes, a déclaré Kylian Mbappé. Buteur hier et sacré meilleur jeune de la compétition à 19 ans. Les hommes de Didier Deschamps rentrent à la maison aujourd'hui. Un beau programme les attend. Ils s'apprêtent à quitter leur hôtel à Moscou, Sinamir. Oui, encore un peu de patience. Les proches des joueurs qui ont passé la nuit ici ont commencé à partir il y a une vingtaine de minutes. On a vu passer Nagui il y a quelques instants, ami de Didier Deschamps, qui avait encore la forme pour agiter les bras de bonheur. Après ce sacre, le quart des Bleus ne doit plus tarder. D'ici quelques minutes, il devrait franchir pour la dernière fois les portes de ce camp de base après 34 jours passés ici à construire ce parcours et ce sacre qui a mené les Français à accrocher cette petite deuxième étoile sur leur torse qu'ils portaient fièrement hier soir lorsqu'ils ont fait la fête ici à leur hôtel d'Istra. Voilà, on les attend d'ici quelques minutes. En attendant, on va détailler un petit peu le parcours. Qu'est-ce qui les attend après? Ils vont décoller normalement aux alentours de midi, heure française, de l'aéroport de Tcheremetyevo à Moscou pour rejoindre la capitale parisienne. Ils arriveront vers 16h, pas d'apparition publique. Le car impérial les transportera ensuite vers les Champs-Élysées, arrivée prévue vers 17h30 pour un défilé qu'ils attendent et qui sont impatients de venir communier avec la foule et présenter la Coupe du Monde à tous ces Français et à tous ces Parisiens et autres, bien sûr, qui viendront célébrer avec eux ce sacre. Ensuite, après cette descente des Champs-Élysées, après avoir brandi la coupe fièrement, ils se dirigeront vers le Palais de l'Élysée où les attend Emmanuel Macron, qui a fêté dignement avec eux, bien sûr, hier dans le vestiaire. On était là. Ce sacre et ce titre de champion du monde, ce deuxième titre pour l'équipe de France. Et puis, ils seront attendus par non seulement, bien sûr, les ministres du gouvernement, leurs proches qui les rejoindront dans les jardins de l'Élysée, et 1000 enfants qui ont été conviés pour l'occasion pour pouvoir célébrer comme il le faut et comme il se doit. Ce nouveau sacre, ce nouveau titre de champion du monde pour l'équipe de France dans les jardins du Palais d'Élysée. Merci Sina. La France fait désormais partie des grandes nations du football, celles qui pourront se vanter d'avoir deux étoiles sur leur maillot, comme l'Argentine et l'Uruguay. Ce maillot va évidemment devenir collector et certains le veulent immédiatement. Arnaud Touche, vous êtes sur les Champs-Élysées, devant la boutique officielle de l'équipementier des Bleus, et il y a foule. Et qu'ils sont nombreux, vous avez raison Mélina, ces supporters motivés ce matin sur la plus belle avenue du monde. Devant la boutique, ils sont désormais plus d'une centaine à faire la queue dans l'espoir, je dis bien l'espoir, d'acquérir leur précieux maillot. Vincent, 19 ans, est venu de Normandie avec ses amis. On est venu chercher le maillot 2 étoiles, si c'est possible, parce qu'on nous a dit que c'était apparemment il n'y en avait pas. Du coup là on attend et on espère qu'on va l'avoir quoi. Et on n'a pas envie de rentrer chez nous quoi. On a que ça à faire. Vous êtes prêts à attendre combien de temps vous? S'ils disent qu'ils l'ont, moi j'attends toute la journée hein, s'il faut. Hein. Et vous avez un budget ou pas? 200 quoi. Ah oui, quand même. Bah c'est le maillot quand même, il collector en plus celui-là. Un budget conséquent, même si le maillot sera vendu à partir de 80 euros et probablement pas dans la boutique des Champs-Élysées. La police vient d'intervenir il y a quelques minutes pour disperser les clients qui attendaient pour certains depuis 4 heures du matin. Merci Arnaud. Depuis les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde sur laquelle la fête s'est prolongée hier jusqu'au bout de la nuit, comme dans beaucoup d'autres endroits en France. L'arc de triomphe séparé des couleurs de nos héros. Et puis ce chiffre, hier vous avez été plus de 19 millions devant votre télé pour suivre l'exploit des Bleus. Mais la fête a été entachée par plusieurs incidents. Une trentaine de personnes ont pillé un magasin sur les Champs-Élysées et un homme a été gravement blessé dans une bagarre. En région également, 10 personnes interpellées à Marseille, des mouvements de foule à Lyon et 2 morts à déplorer. Un homme qui s'est tué à Annecy en plongeant dans un canal et un automobiliste dans l'Oise qui a foncé dans un arbre. La bourse de Paris ce matin est en légère hausse, plus 0,15%. Le CAC 40 s'établit autour des 5437 points. Le temps cet après-midi. Des orages et des risques de grêle en Auvergne-Rhône-Alpes et près des Pyrénées. 10 départements sont en vigilance orange en Occitanie et dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Des éclairs également dans les Hauts-de-France et le long de la façade est jusqu'à la Méditerranée. Des éclaircies dans l'après-midi dans l'ouest de la France. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 21 à Brest et Pau, 25 à Annecy et Limoges, 27 à Marseille, 28 à Strasbourg et 29 degrés à Lille, Paris et Ajaccio. Les courses aujourd'hui ont lieu à Vichy. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 14, le 16, le 10, l'As, le 13, le 7 et le 15. la dernière minute de Dominique, c'est le 10 de Bonne Aloi, RTL. Il est 10h05. Tout de suite, vous retrouvez Bruno, Caroline pour la suite du Grand Quiz de l'été. Mélina, vous avez fait un flash de championne du monde, je peux vous le dire. Oh, c'est trop gentil à vous, merci Guillaume. Guillaume, Bruno. Vous pouvez m'appeler Guillaume, vous savez quoi, il n'y a aucun problème. Appelez-moi Guillaume, de toute façon nous fêtons le titre de champion du monde. Je suis tous les prénoms aujourd'hui. À tout à l'heure dès 11h. À tout à l'heure. Bonne matinée et bel été sur RTL. Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Ravi de vous retrouver tout à l'heure pour un nouvel été d'RTL vous régale. Chaque jour, de 11h à 12h30, en compagnie du globe-trotteur Jean-Sébastien Petit-Demange et de la cuisinière Loana Belmondo, nous voyagerons à travers les bons produits et leurs terroirs. Puis surtout, on va se régaler. RTL vous régale, présenté par Jean-Michel Zeka, c'est tout à l'heure à 11h sur RTL. L'auto Leclerc. Monsieur, s'il vous plaît, ouais. Dites avant de partir en vacances, je voudrais faire réviser les freins de ma voiture. Eh, vous avez raison, c'est essentiel d'avoir un bon système de freinage avant de prendre la route. D'ailleurs, en ce moment, chez l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose d'un jeu de disque de frein Valeo, les plaquettes sont à 1 euro. 1 euro. Du 17 juillet au 18 août, dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose d'un jeu de disque de frein de la marque Valeo, le jeu de plaquettes de la même marque est à 1 euro. Voir modalité dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. La sécurité, ça passe par des freins irréprochables. Avec Comme J'aime, vous pouvez perdre en moyenne 6 kilos le premier mois. Voici les témoignages de nos clients. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois. Moi 9 kilos en 2 mois. Et moi 25 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 collations, 7 dîners, gratuits. Soit 28 repas gratuits. Et en plus, la livraison est offerte. Alors appelez tout de suite le 0800 507 507. 0800 507 507. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Oyez, oyez, gentes dames et doux seigneurs, voici la deuxième heure du grand quiz de l'été. Et avant 11h du matin, pas moins de 2 séjours au parc Astérix à vous offrir. Le premier va arriver dans une dizaine de minutes, le deuxième juste avant 11h du matin. C'est ce que vous gagnez tout l'été sur RTL, séjours parc et hôtel au parc Astérix. Pour vivre une expérience authentique en famille ou entre amis, 45 attractions, ni plus ni moins, avec les spectacles irrésistibles du parc. Donnez-vous envie, allez sur parcastérix.fr pour voir des images et ensuite vous nous appelez le 3210 pour vous inscrire, 50 centimes la minute, ou alors par SMS au 74 900. Vous envoyez RTL 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Caroline, nous allons accueillir, si vous le voulez bien, Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour. Émilie, bienvenue dans un monde où la France a une deuxième étoile. Oh nom de Dieu. Émilie, bienvenue dans un monde où votre fils a obtenu son baccalauréat. Est-ce que ce monde n'est pas le plus beau des mondes en ce lundi matin ? Eh ben écoutez, oui, c'est pas faux. C'est même bien vrai, oui. Il s'appelle comment votre fils ? Il s'appelle Simon. Simon, il a eu un bac dans quelle spécificité, ça se dit ? Dans quelle filière il a eu un bac S. C'est bien, c'était filière le mot que je cherchais. Et vous avez vu, j'ai lancé spécificité, mais j'aurais pu dire EQL, strapontin ou congélateur. Spécificité, c'est ce qui se rapprochait le plus. Il a eu son bac dans quel congélateur ? ça marchait moins bien. Bac scientifique, Émilie. Eh bien, vous savez quoi ? Faites attention, il peut finir animateur radio puisque c'est ce que j'ai fait. Un bac S. Heureusement, je l'ai raté. Émilie ! Sinon, il serait docteur, au secours. C'est pas un mauvais métier. Un petit peu de musique pour vous détendre. Ok. J'adore Christina and the Queens. Ouais, j'adore aussi. Bah c'est pour ça que je vous le mets. Okay. Comme quoi c'est bien fait. Et on peut écouter le dernier ? Elle est aussi championne du monde, Christina and the Queens. Voilà, depuis hier, elle a le droit de l'avoir, cette deuxième étoile. Émilie, c'est 9 le score à battre ce matin pour repartir avec le séjour au parc Astérix. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Je sais, je me dis la même chose quand Caroline ouvre son micro en face de moi. Mais c'est bien elle qui va vous poser les questions. 9 bonnes réponses. S'il y en a 10, vous êtes sûr de gagner. Puis alors, si en plus elles sont d'affilée, je rajoute un chèque de 1000 euros. Émilie, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête, oui. Top chrono ! Dans quelle ville de Russie a eu lieu la finale de la Coupe du Monde de football hier soir ? Moscou. Dans l'émission Bonne nuit les petits, de quel instrument jouait le marchand de sable ? Du pipeau. Quel petit insecte est surnommé la bête à bon Dieu ? La coccinelle. Quel aliment fabrique-t-on avec une baratte ? Le beurre. Quelle monnaie est en vigueur en Angleterre ? C'est le pence. Dans quel film... La livre. Dans quel film Robin Williams se déguise-t-il en femme ? Doubtfire. Comment appelle-t-on le professionnel chargé de la conduite et de l'entretien d'une péniche ? Je passe. Selon la chanson, comment finissent les histoires d'amour en général ? Elles finissent bien. Quelle sauce vietnamienne est à base de jus de poisson macéré dans une saumure ? La sauce Nhoc Man. En géométrie, combien de côtés un heptagone possède-t-il ? 7. 7 en effet pour l'heptagone. Est-ce que c'est votre fiston qui était derrière et qui vous file un petit coup de main pour les réponses ? Non, c'était mon mari. Avec un bac S sur l'heptagone, il était censé être calé. Bon, eh bien nous allons vérifier dans quelques secondes si vous avez oui ou non 9 bonnes réponses et si vous pouvez prétendre au séjour au parc Astérix. Mais pour l'instant, Émilie, nous parlions de ce monde dans lequel vous vous réveillez ce matin avec 2 étoiles sur le maillot de l'équipe de France, avec le bac de votre fils. C'est un autre monde que nous découvrons aujourd'hui. Chantez par téléphone. Je rêve d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé. Et elle danse les ombres du monde avec deux étoiles, forcément, c'était Téléphone. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de l'été sur RTL. Émilie a joué avec nous il y a quelques secondes, elle a répondu aux questions de Caroline Diamant et nous allons revenir sur vos réponses, Émilie, pour savoir si oui ou non vous pouvez prétendre au séjour au parc Astérix. Selon la chanson « Comment finissent les histoires d'amour en général ?» Lerita Mitsuko. Les histoires d'amour finissent mal. Eh oui. Les histoires d'amour pas finissent bien. Non, elle marche pas. Les histoires d'amour finissent mal. Oui, ben on a compris. C'était mal et non pas bien. Oui. Vous avez passé sur le professionnel chargé de la conduite et de l'entretien d'une péniche. Ah, la péniche. Ah, l'homme de Picardie. Oui, oh non, je, bah non, repars, je repense à ces séries quand j'étais petit où il y avait, je peux vous dire qu'il y a de l'action. Ça, il y avait de l'action. Vous mettiez le générique de l'homme de Picardie, vous partiez dans, vite fait dans la cuisine vous faire un petit sandwich rapide, vous reveniez, la péniche avait avancé de 3 mètres. Bon, c'est un batelier ou un marinier, c'est la réponse que j'attendais. Pour le reste, c'était bon. Il me fallait 9 bonnes réponses. Vous m'en avez donné 8. Ouais. Bah oui, mais 8, c'est pas suffisant. Et non. Alors, c'est suffisant pour la montre RTL et vous avez raison de l'applaudir. Cette montre RTL, je vous la fais parvenir dès aujourd'hui, Dominique. Dès aujourd'hui, Émilie. Et j'accueille Dominique qui, elle, par contre, a gagné le séjour au parc Astérix. Bravo, et que Dominique, l'on peut applaudir. Merci, merci Caroline. Merci Bruno. Merci RTL. Dominique, vous partez donc en famille, séjour au parc Astérix pour 4 personnes. Super. C'est sur 2 jours, puisque la nuit, vous allez pouvoir dormir soit à l'hôtel des 3 hiboux, soit à la cité suspendue ou dans un des hôtels partenaires du parc. On prend également à notre charge les petits déjeuners et les dîners. À n'en pas douter, ce séjour sera extraordinaire, Dominique. Merci infiniment. On vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Bon été et bonne chance à tous les futurs candidats. Et merci beaucoup. Eh bien, merci. Les futurs candidats vont se présenter maintenant en appelant le 3210. Je mets maintenant là, tout de suite, un nouveau séjour Parc Astérix à gagner avant 11h. Belle matinée sur RTL. Conforama, le confort pour tous. Du 13 au 16 juillet, profitez de 50 euros offerts en bon d'achat des 250 euros d'achat et faites-vous plaisir. En plus, c'est sur tout le magasin, mais c'est seulement jusqu'à aujourd'hui. Alors ne passez pas à côté. Conforama. Conditions magasin et sur conforama.fr. Leclerc. Juliette, attends-moi, je vais nous prendre des pêches et des nectarines. Ah ouais, c'est très très bon ça. Bien sûr que c'est très bon de manger des fruits de saison cultivés en France et l'été, c'est la pleine saison. Des pêches et des nectarines, jaunes ou blanches. Voilà, et à prix Leclerc. Du 18 au 21 juillet chez Leclerc, les pêches et nectarines jaunes ou blanches, calibre A Origine France, sont à 1,99€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Mmh, elles sont sucrées et juteuses, j'adore. Un vrai bon fruit de saison. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL, c'est le jour au parc Astérix à vous offrir. Nouvelle session de jeu pour laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous appelez le 3210 ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Et puis il y a les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous utilisez le hashtag RTL Quiz ou alors la page facebook.com/le grand quiz de l'été. Yes. On en parlait tout à l'heure. Petit plaisir du matin, lundi. Deux étoiles brillent au-dessus de nos têtes. Kylian Mbappé est notre nouveau dieu. Et comme tous les dieux, il danse. Et il danse sur le nouveau son de Christine and the Queens. Dan, I love it sur RTL. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Quand je te veux, dis-moi comment mieux. là qui sera mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cul-jupe. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que faire de l'énergie que je perds. Quand je te veux, t'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds. Quand je te veux, t'aimes, dis-moi comment mieux. Chris, I don't know why you're tripping. Non, c'est dans la chanson, Caroline, enlevez votre main. Le nouveau Christine and the Queen sur RTL. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Mais avec qui allons donc nous jouer, belle et douce Caroline Diamant? Nous allons jouer avec Emmanuel et nous l'accueillons tout de suite. Bonjour Emmanuel. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour. Et félicitations pour les deux étoiles. Eh ben oui, mais c'est vrai. Ah oui, c'est quoi, en fait, chacun. Mais c'est parce que on a ça, et c'est vrai qu'on a l'impression quand on parle de football que c'est nous qui étions sur le terrain, mais c'est aussi la magie du football. Voilà, ouais. On est tous un peu champions du monde aujourd'hui. Moi, j'avais pas du tout l'impression d'être sur le terrain. Je me vois très bien allongé sur mon canapé, à regarder, à zapper de temps en temps parce que je comprenais pas tout. Vous savez qu'à un moment, je sais pas si on a vu à la télé, parce que oui, j'ai eu la chance d'être au stade hier soir, cette Pussy Riot qui est rentrée pendant le match. Habillé. Oui, on l'a vu. Ouais, qui a été habillé, qui a été très très vite ceinturé. Alors, en Russie, devant Poutine, c'était pas facile. Et c'est pas pour vous donner des idées, Caroline, excusez-moi. Non, mais oh là là, Pussy Riot, vous voulez que je vous montre mes seins? Cela dit, on pourrait passer de nombreux messages du coup. Oh! Oui, pardon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de surface mammaire. Ce micro est ouvert, excusez-moi, je suis désolé. Allez. C'est l'avantage d'être à la radio. Et pas à la télé. Bah, merci beaucoup, je vais prendre ça comme un compliment. Voilà. Bah, ça fait deux étoiles, hein, là, du coup, la coupe sur coupe. Voilà. En tout cas, Emmanuel, visiblement, vous allez payer beaucoup de pizza. Expliquez-nous pourquoi. Eh oui, ça reste entre nous, hein. On n'en parle pas. Ah bah non, on le dit pas à l'antenne. Oui, vous savez, c'est entre nous. Il y a quoi? Allez, mais franchement, s'il y a 2 millions de personnes qui nous écoutent en ce moment, c'est le minimum. Ah oui. Voilà. Non, mais en fait, je pensais pas que l'équipe de France allait gagner au début de la compétition. Et du coup, j'ai dit à mes potes que s'ils gagnaient, je leur payais les pizzas pendant toute la saison. Eh ben voilà. Voilà, je suis bon pour payer les pizzas. Mais écoutez, on lui pardonne parce que c'était en début de Coupe du Monde. Si vous aviez parié ça hier, bon là, on serait pas content. Non, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que c'est un footix. Alors ça, c'est certainement... Je sais pas si c'est une vanne footballistique, astérixienne ou... Bon, Emmanuel, allez, on attaque une nouvelle session pour repartir avec les séjours au parc Astérix. Je vous pose les questions, vous me donnez un maximum de bonnes réponses. Vous tentez d'établir le score à battre avant 11h du matin. Est-ce que vous êtes prêt, Emmanuel? Je suis prêt. Top chrono! Quelle fleur a été mise à l'honneur par Claude François? Magnolia. À quel personnage comique associe-t-on un secret connu de tous? Polichinelle. Quel joueur de 98 devenu sélectionneur a amené l'équipe de France à la victoire hier soir? Dans quelle ville française se déroule chaque année un célèbre printemps de la musique? Cherbourg. Quel costume Yves Saint Laurent a-t-il adapté aux femmes dès 1966? Le tailleur. Dans quel film de 2003 Gad Elmaleh dit adorer les sushis? Chouchou. Quelle loi est associée à l'expression œil pour œil, dent pour dent? Salique. À quelle enseigne appartient ce slogan « La mode à petit prix » ? Kiabi. Comment appelle-t-on un potage à base de coulis, de crustacés et de vin blanc ? Bouillabaisse. En France, quelle est la seule femme à avoir été Premier ministre ? Simone Veil ? Non. Non, non. Son nom ne venait plus. C'est pas grave. C'était Edith Cresson. Exactement. Très bonne soupe. François Mitterrand. Très bonne soupe, vraiment, vous êtes parti là-dessus ? Oui, non ? Je vais vous laisser. Vous savez quoi ? Exceptionnellement, je vais arrêter l'émission maintenant. Vous savez quoi ? Je vais aller pleurer et on va lancer la pub. Belle matinée sur RTL. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là ? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites ? Ah, du veau, c'est bon ! Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites ? Ah, du veau, j'en veux ! Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été, soyez créatifs autour du barbecue. Bravo le veau ! Plein de recettes sur bravoleveau.com. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Leclerc. Papa, viens voir, pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr, à retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses ? Non mais ça va pas, toi. RTL. Quel est votre signe ? Christine Haas, Laetitia Nallet. Chaque soir sur RTL, découvrez votre thème astral pour mieux vous connaître. Pour participer, inscrivez-vous au 3210 ou par mail astro2018@rtl.fr. Histoire d'amour, changement professionnel, situation familiale, l'astrologie peut vous aider. Nous vous attendons ce soir dès 20h sur RTL. 50 centimes la minute. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon sur RTL. Sur RTL. Nous nous sommes laissés, il y a de cela quelques minutes, sur cette vanne Cresson Edith comme la soupe. Oui. Depuis, le téléphone d'RTL n'arrête pas de sonner. Démission, démission, démission. Des Américains sont en ligne avec le standard d'RTL pour proposer une adaptation cinématographique de cette vanne. Je peux vous dire qu'avec les deux étoiles qu'on a eu hier soir, on vit un grand moment encore ce matin. Bon, allez, Emmanuel, on va revenir, si vous le voulez bien, sur les réponses que vous avez données. La fleur qui a été mise à l'honneur par Claude François, vous avez raison, c'est le Magnolia, mais on n'échappe pas au petit plaisir de l'écouter. Magnolia, française qui accueille le célèbre printemps de la musique, le printemps de Bourges. De Bourges. Oui, oui, vous aviez le bourg avec Cherbourg, mais c'était pas au bon endroit. C'est les parapluies, Cherbourg. Et oui, le costume Yves Saint Laurent qui a été adapté aux femmes dès 1966, c'est le somptueux smoking Saint Laurent que toutes les femmes rêvent d'avoir. Vous avez raison, c'est bien chouchou, mais bon, on l'aime tellement, on l'écoute. J'adore les souchés. Voilà, c'était chouchou de la place Léché. Bien sûr. La loi qui est associée à l'expression œil pour œil, dent pour dent. Personnellement, votre réponse, j'ai entendu phallique. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Non, non, non. Mais en tout cas, mais c'est la loi de Talion, en fait. Oui, ouais. C'est exactement. Vous aviez dit phallique, je crois plutôt. Voilà. Mais vraiment, en tout cas, je me suis emporté. Mais oui, mais vous avez raison. Oh, vous savez, en disant phallique, Caroline s'est emportée aussi. Hein. Mais pour qui vous me faites passer ? Alors, ce potage à base de coulis de crustacés de vin blanc, ce n'est pas une bouillabaisse, c'est une bisque. Ah oui. Et je vous la fais. Une bisque sur chaque jeu. Oh, c'est gentil. Merci, Caroline. Alors, donc, on a la soupe de cresson et on a la bisque. Oui, je suis en vanne culinaire, ça arrive. Je ne sais pas cuisiner, ça m'arrive jamais. Voilà, je suis inspiré, j'y peux rien. Emmanuel, 5 réponses. C'est le score à battre d'ici 11h du matin. Peut-être que ce sera suffisant pour le parc Astérix. C'est tout le mal que je vous souhaite. En attendant, on vous offre une montre RTL qui part très vite du côté de l'Aisne. D'accord, Emmanuel ? Exactement. Merci beaucoup. Plein de bisous. À tout à l'heure, peut-être. Bisous à vous. Petit ami. C'est l'album de Juliette Armanet, c'est déjà le troisième extrait pour cette artiste RTL qu'on apprécie beaucoup. Album découverte de l'année aux dernières victoires de la musique, voici À la folie. Armanet à la folie sur RTL. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Chaque jour, découvrez de nouveaux produits beauté, bijoux, maison et mode à la télé et sur Internet. Et en plus, jouez au grand jeu de l'été QVC en tapant les trois lettres QVC.fr. RTL. Des rencontres sur Internet ? Oui, je sais que ça se fait, mais je ne saurais pas par où commencer. Allez sur Internet, connectez-vous sur le site disondemain.fr. Découvrez des personnes qui vous ressemblent. C'est facile sur disondemain.fr, le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Attention pour la photo. 1, 2, 3. Brit ! Cet été, affichez vos plus beaux sourires de vacances dans l'un des 130 Brit Hôtels partout en France. Réservez sur brithotel.fr ou l'appli mobile et faites-le plein de Brit ! Conforama, le confort pour tous. Du 13 au 16 juillet, profitez de 50 euros offerts en bon d'achat des 250 euros d'achat et faites-vous plaisir. En plus, c'est sur tout le magasin, mais c'est seulement jusqu'à aujourd'hui. Alors ne passez pas à côté. Conforama. Conditions magasin et sur conforama.fr. Chef d'entreprise, RH, manager, trouver le bon candidat vous prend trop de temps ? Besoin d'un outil simple et efficace pour trouver votre prochain collaborateur ? Sur cornerjob.com ou sur notre application, trouvez les bons profils au bon moment. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contactez les candidats directement sur leur mobile. Cornerjob, rejoignez l'équipe. Le vol à destination de Cuba embarquera porte 4. Mais enfin, puisque je vous dis que c'est moi, monsieur l'agent. Arrêtez, c'est pas vous sur ce passeport. C'est une personne plus... Plus enveloppée, oui. Eh bien, c'était moi il y a 6 mois, avant que je perde 20 kilos avec Comme J'aime. Ah, autant pour moi. Bravo et bon voyage, monsieur. Pour perdre vos kilos en trop, appelez-vous aussi Comme J'aime pour Hommes au 0800 003 103. Et testez une semaine, c'est gratuit. 0800 003 103. Commej'aime.fr, c'est pour nous les hommes. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Et maintenant, la météo avec la paire. Le temps sera calme et ensoleillé avec un ciel dégagé sur l'ensemble du magasin. Prévoyez un petit détour dans la partie cuisine pour découvrir des prix très lumineux. Jusqu'au 6 août, ce sont les beaux jours des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre moins 15% sur une sélection de meubles de cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. L'Auto Leclerc. Monsieur, s'il vous plaît, ouais. Dites avant de partir en vacances, je voudrais faire réviser les freins de ma voiture. Eh, vous avez raison. C'est essentiel d'avoir un bon système de freinage avant de prendre la route. D'ailleurs, en ce moment, chez L'Auto Leclerc, pour l'achat et la pose d'un jeu de disque de frein Valeo, les plaquettes sont à 1 euro. 1 euro. Du 17 juillet au 18 août, dans les centres L'Auto Leclerc, pour l'achat et la pose d'un jeu de disque de frein de la marque Valeo, le jeu de plaquettes de la même marque est à 1 euro. Voir modalité dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. La sécurité, ça passe par des freins irréprochables. Le grand quiz de l'été sur RTL. Le grand quiz de l'été. Séjour au parc Astérix à gagner à 11h du matin. Bonjour Élodie. Bonjour. Bonjour Élodie. Élodie. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour, vous l'entendez, on est un peu dissipé ce matin. Voilà, on est dans l'euphorie collective inhérente à cette victoire de la Coupe du Monde hier. Vous avez suivi le match ou pas Élodie? Bah bien sûr, bah, ouais, on a fait la fête à la maison, il y a eu des klaxons jusqu'à 2h du matin dans la rue, voilà, on était comme des fous, on avait les couleurs de la France, on est fiers et on est très contents ce matin. Eh ben évidemment, très content d'avoir cette deuxième étoile. J'en profite pour vous rappeler que la descente des Champs-Élysées par les Bleus dans le bus à Impérial donnera lieu à une émission spéciale cet après-midi sur RTL, orchestrée par Vincent Parisot et des journalistes qui seront au plus près des joueurs de l'équipe de France de football pour avoir leur réaction. Bien évidemment, ils vont se rendre à l'Élysée pour voir le président Emmanuel Macron et ils vont être au plus près de leurs fans en brandissant la Coupe du Monde, normalement depuis un des balcons de l'hôtel Crillon, géographie parisienne, c'est sur la place de la Concorde. La place de la Concorde. Voilà, tout est dit. Élodie, fan de M. Ah oui. Vous aimez également le R, le S et le T. C'est des lettres de l'alphabet. Hein. Vous êtes M comme mondial. Un petit crabe bleu. Fan de Vanessa Paradis et vous êtes allé voir Indestructible 2 au cinéma. Film qui cartonne d'ailleurs, le nouveau Indestructible. Bon, Indestructible, elle l'est également. Caroline Diamant, je puis vous le dire. Et c'est elle qui va vous poser les questions pour tenter de repartir avec un séjour au parc Astérix. Emmanuel nous a donné 5 bonnes réponses tout à l'heure. Il faut faire mieux que 5 pour être dans la course. Est-ce que vous êtes prête, Élodie? Oui. Bah, bien sûr, je suis prête. Hein. Et bah, top chrono, allez hop, on y va. Quel est le prénom du footballeur Griezmann? Antoine. De quelle plante extrait-on une huile réputée pour repousser les moustiques? Le citronnelle. Quel petit foulard carré en coton imprimé a été popularisé par le chanteur Renaud? Le foulard. Quel terme désigne le drapeau qui indique la nationalité d'un bateau? Le pavillon. Quel jour de la semaine l'émission de télévision Capital est-il diffusée? Dimanche. En géométrie, combien de degrés un angle plat mesure-t-il? 180. Quel aliment est le rocamadour? Un fromage. Dans quelle série suivait-on les aventures de John Steed et Emma Peel? Chapeau melon botte de pierre. À la pétanque, comment appelle-t-on une équipe composée de 3 joueurs? Triplette. Quel était le surnom du peintre Henri Rousseau? Le douanier. Quel petit mammifère souterrain est presque aveugle? La taupe. Quel nom porte le vaisseau de contrebandier Han Solo dans Star Wars? L'étoile noire. Non, mais non. Ah, comment ça s'appelle le vaisseau? Mais ça s'appelle le Faucon Millenium, Mélodie. Alors évidemment. Le vaisseau Millenium, le Faucon Millenium. Mais je savais que vous le saviez. Mon fils est fan de Star Wars et je suis sûre qu'il l'avait. Vous avez remarqué, quand on est dans l'hésitation, tout de suite ça s'accélère. Oui. Comment il s'appelle comme si ça allait bien d'un seul coup alors que ça vient pas? C'est le gros truc, mais c'est pas ça. Le Faucon Millenium. Eh oui, Falcon Millenium. Mais oui. Exactement. Star Wars. Bon, on va revenir, si vous le voulez bien, sur vos réponses. Je rappelle qu'il vous en faut 5 pour repartir ce matin. Espérez repartir avec le séjour au parc Astérix. On y va ? Allez, c'est parti. Calmez-vous, Caroline. C'est moi qui... Ah, c'est Chewbacca. J'ai même pas reconnu, c'est de quel cri d'animal ? C'est Chewbacca. C'est Chewbacca, Caroline. Ah, oui. Ah, ça, est-ce que vous aimez Star Wars ? Non plus ? Bah non. Et ben voilà, je mets aussi dans la liste du deuxième cahier de ce que n'aime pas Caroline Diamant. Alors, donc Chewbacca aussi, c'est pareil, Star Wars, c'est noté. Antoine Griezmann, c'est évidemment le prénom Antoine pour Griezmann. Est-ce que... Oh, allez. Bon, bah si, quand même. 38e minute. Ah là là là là là là. Quel petit foulard carré en coton imprimé a été popularisé par le chanteur Renaud ? Vous m'avez dit foulard, mais c'était dans la question, dans l'énoncé. Eh oui, non, mais ça m'est pas revenu, c'était le bandana. Et évidemment. Eh oui. On a toute notre période avec le bandana. Ça revient pour les femmes. Ça revient dans les cheveux, oui. D'accord. Vous verrez dans les journaux de mode, il y a beaucoup de petits mandanas sur des chignons. Alors, faites attention, je vois le journal de mode que vous avez sous vos yeux. Il est daté du 1er août 1988, par contre. Vous que, voilà. Je vous le dis parce que comme Michel Platini ne joue plus dans l'équipe de France de foot, c'est pour vous, surtout. Mais c'est pas vrai. Bon, on a quoi d'autre ? On a le fromage, le rocamadour. Et je vois que François Touchard a quelque chose concernant le fromage. À mon avis, c'est une chanson. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Je suis resté là comme de ronde flip enveloppé dans du papier hygiénique. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Moi je tricote des napperons avec le reste des nouilles grimpées sur le balcon. Ah, et quand je vois Caroline le matin, je me dis... Oh oui! Avec ses souliers vernis. Mais surtout. Ses taches de rousseur. Où ça? Sur son joli postérieur. Gérard Blanchard dans les années 80. La série John Steed et Emma Peel. Chapeau melon et bottes de cuir. J'adorais. Mythique. Et après, il y avait Peur des Gambit, j'aimais moins. Ah ouais? Pas c'était drôle la dernière du tout. Partie, ouais, c'était moins bien. Et sinon, on a de la bonne réponse. On a beaucoup de bonnes réponses. On a tellement de bonnes réponses que vous prenez la tête, Elodie, avec 10 points. Oui, oh, alors, c'est bien ça. Ces 10 points, vous ne les avez pas eu d'affilée. Donc, il n'y a pas, le chèque de 1000 euros. Mais en tout cas, ça sent bon pour le séjour au parc. On aura encore un candidat ou une candidate avant 11h du matin. Si vous avez un petit coup de fil avant 11h du matin, ça sent bon. Ouais, ça va, mais écoutez. D'ici là, vous avez quand même une montre RTL, là. Eh ben merci, peut-être à tout à l'heure. Eh bien vous savez quoi ? On vous le souhaite. Elodie, je vous le dis à tout à l'heure, j'espère. D'accord. Ah. Petit coup de ventoline, Caroline, peut-être vous me dites. On revient en direct sur RTL juste après ça. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pour vous, que vous soyez en vacances ou pas, je vous souhaite un très très bel été. On espère bien entendu vous avoir le plus souvent possible avec nous sur RTL. Leclerc. Papa, viens voir, pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr. À retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses ? Non mais ça va pas toi. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Si je vous dis côte à peine rosée sur le grill, vous le sentez le barbecue là ? Une côte accompagnée de sa douce moutarde, vous me dites ? Ah du veau, c'est bon ! Et si je vous dis terrasse ensoleillée, retrouvailles entre amis, mais surtout plaisir des papilles, vous me dites ? Ah du veau j'en veux ! Côte, brochette ou saucisse de veau, cet été soyez créatif autour du barbecue. Bravo le veau ! Plein de recettes sur bravolevo.com. Il y a les livres que l'on apprécie, et un jour, il y a celui qui est comme un coup de foudre, qui devient comme un ami. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin fait partie de cette famille. Car Valérie Perrin a un don, nous parler de la vie, de notre vie. tout en révélant ce que le quotidien a de magique. Et cela avec un humour qui a le pouvoir de transformer les larmes en sourires. Et parfois même en rire. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, prix Maison de la Presse. Changer l'eau des fleurs, une révélation Albin Michel. Lidl, partenaire de l'équipe Quick Step pour les produits frais. Allô patron ? Ah, je suis en colère, hein. Rouge de colère, vraiment. Et la raison de ta colère ? La raison ? Mais le raisin blanc, patron. Aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils nous mettent le kilo de raisin blanc en vrac à 2,29€. 2,29€ le kilo de raisin blanc, chez Lidl. Tu veux me mettre en colère ? Oh non, mais patron... Mais y a pas de mais ! Avec toi, y a tes pépins. Ah, on est mal, hein. Oui, vous avez raisin, patron. Raison, patron. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, variété Vittoria, origine Italie. RTL, le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été, dernière ligne droite pour repartir avec ce séjour au parc Astérix. Pour vivre une expérience authentique en famille ou entre amis, au milieu des 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc. Nous avons le dernier candidat de la matinée. Grosse pression hein, sur Thierry qui va nous rejoindre. Oui, c'est une pression, forcément. Élodie a marqué 10 points. C'est un excellent score. Mais c'est un score égalable qui est même dépassable. C'est ce que je vous souhaite. Bienvenue Thierry. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Thierry, bienvenue sur RTL. Thierry, vous êtes enseignant. Puis j'imaginais que vous êtes en vacances, donc. Mais vous imaginez bien, voilà. Et vous pouvez nous dire où ? Oui, je suis pas loin de Martigues, Marseille. Très bien. Alors, Bouches-du-Rhône. On vous demande une petite anecdote à nous raconter et notre charmante standardiste nous a mis, on devait aller à Wallis et Futuna et, et nous n'avons pas la fin de l'anecdote. Ça, je peux vous dire que maintenant les standardistes d'RTL, ils savent ménager, ménager les choses. Nous, on arrive, on allait à Wallis et Futuna et... Mais que se passe-t-il ? Non, en fait, on était à Wallis et Futuna, on devait partir pour la Calédonie, qui est 4000 km à l'ouest, et ils nous ont fait passer par 4000 km à l'est, vers Tahiti. Voilà, c'est tout, c'était juste une petite anecdote. Ah mais alors, attendez, qui a fait l'erreur ? Ah ben, c'est la compagnie aérienne, on était en surbooking, ils nous ont trouvé que ça comme solution, on est passé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on a fait trois jours de voyage au lieu de 5 heures, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais vous dire, heureusement que ce n'est pas tombé sur moi, parce qu'avec le goût que j'ai pour l'avion... Non, mais par contre, c'est à se demander si c'est pas vous qui aviez organisé le voyage. Mais non, pas du tout. Non, mais je parle à Caroline parce qu'avec son goût pour la géographie, ça m'étonnerait moyen, moi. Non, attendez. Je peux vous dire que quand il s'agit d'avion, j'aurais regardé une map monde, mais précisément, précisément. Bon, Thierry, un peu de musique. Ah, bah oui. On nous cite rarement Electric Light Orchestra. Et pourtant, Dieu sait que ce groupe est un groupe culte des années 70-80. On lui donne notamment ce titre, Last Train to London. Refrain. Absolument. Et vous faites de la plongée sous-marine également. Accessoirement, voilà, tout à fait, oui. Super. Quel niveau ? Pourquoi on précise sous-marine ? Parce qu'on peut faire de la plongée où, sinon ? Sous Françoise, sous Ghislaine, ça dépend du prénom. En apnée, sinon de la plongée en apnée. Ah d'accord, c'est pour préciser que vous avez des bouteilles. Voilà, c'est d'accord, ça. D'accord, ok. Peut-être qu'un jour vous croiserez nos vannes à moins 20, moins 30, moins 40 net, c'est possible. Bon Thierry, allez, je vous pose les questions, d'accord ? Oui. Donc bah, Caroline vous a expliqué hein. 10 c'est le score à égaler ou à battre pour repartir avec les séjours au parc Astérix. Moi je dis quitte à avoir 10 bonnes réponses, donnez-les moi d'affilée. On n'a toujours pas eu le chèque de 1000€. Ah oui, ce moment, serait bien ce jour de Coupe du Monde. Je trouve que ce serait plutôt bien choisi. Le timing serait parfait. Thierry, êtes-vous prêt? Oui. Top chrono. À quelle heure a eu lieu la finale de la Coupe du Monde hier soir en France? 17h. Quelle fleur désigne aussi une partie de notre œil? L'iris. Dans quelle ville italienne pouvons-nous visiter la Villa Borghese? Rome. Quel condiment confit entre dans la composition d'un steak tartare? Le cornichon. Comment s'appelait l'émission de découverte que présentait Nicolas Hulot? Je passe. Quel chien de bande dessinée a donné son nom à un magazine qui offrait des gadgets à ses lecteurs? Steve Gadget. À quel boys band doit-on le tube Partir un jour en 96? Alliage. Autour de quelle mer l'olivier sauvage pousse-t-il depuis des siècles? Méditerranée. Qui est le saint patron des boulangers? Je passe. Dans la série des X-Men, quel acteur incarne Wolverine? Je passe. Combien d'années doit-on conserver ses relevés de compte bancaire? 5. Quelle est la joueuse de tennis numéro 1 en France? Cornet. Alicia Cornet. Non. C'est Alizé, je crois. Et surtout, c'est Caroline Garcia, la sixième mondiale. Oui, non, mais parce que j'ai entendu notre candidat dire Alicia Cornet. Mm-hmm. Donc je me permettais, pour une fois que je connais quelque chose, de préciser que c'était Alizé Cornet. Mais permettez-vous. Thierry, on revient, si vous le voulez bien, sur vos réponses dans quelques secondes. Le temps de découvrir ensemble sur RTL le tout nouveau Cats and Trees. Keep on dancing. Toulousain Cats and Trees est d'ores et déjà disponible. C'est le nouvel extrait, la Keep on Dancing, les Cats and Trees, et sur RTL. 10h54, à partir de 11h, vous retrouverez Jean-Michel Zeka et toute sa fine équipe. Jean-Sébastien Petit-Demange et Loana Belmondo pour RTL vous régale. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Bruno. Bleu, rouge. J'ai un slip blanc. Ah, très bien. Vous savez quoi, arrêtons-nous là. Bon, Jean-Séb, on parle de quoi tout à l'heure? Ah, on va parler de pasta. Ah! La pâte. Oui. Avec Luana et dans ses forcément, origines italiennes, évidemment. Forcément. Et Jean-Michel est sous perfusion de sauce samouraï. Parce qu'il définitivement, il ne s'en met pas. Il ne s'en remet pas de la défaite de la Belgique. De la victoire, quand oui, même. Oui, aussi. Troisième. Oui. Donc c'est bien. Il va falloir que ça passe. Hein. Il a 4 ans pour s'en remettre. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Allez, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h. Et dans quelques instants, nous allons revenir avec Thierry pour vérifier le nombre de réponses qui lui permettront ou pas de repartir au parc Astérix. Bonne matinée et bel été sur RTL. Les Ormes de Cambrasse. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les Ormes, les Ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les Ormes, les Ormes. Qui qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût. Les ormes Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les ormes de Cambrasse. Les ormes de Cambrasse, vin du Pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Mimosa! Moi, depuis que j'ai financé mon cheptel de vache sur Mimosa, ça fait parler dans le pays. Avec Mimosa, vous pouvez financer votre projet en agriculture ou en alimentation jusqu'à 200 000 euros. C'est simple et rapide. Grâce à Mimosa, ma voisine a financé son vignoble et mon frère sa brasserie artisanale. Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet et ça change tout. Conditions sur mimosa.com. Leclerc. Juliette, attends-moi, je vais nous prendre des pêches et des nectarines. Ah ouais, c'est très très bon ça. Bien sûr que c'est très bon de manger des fruits de saison cultivés en France. Et l'été, c'est la pleine saison. Des pêches et des nectarines, jaunes ou blanches. Voilà, et à prix Leclerc. Du 18 au 21 juillet chez Leclerc, les pêches et nectarines jaunes ou blanches, calibre A Origine France, sont à 1,99€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Elles sont sucrées et juteuses, j'adore. Un vrai bon fruit de saison. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais? Les ormes de Cambrasse. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Thierry n'en peut plus de ce suspense. Eh bien Thierry, nous mettons fin au suspense. Voici vos réponses, revues et corrigées par Caroline Diamant. Le condiment confit qui entre dans la composition d'un steak tartare n'est pas le cornichon, mais la capre. Alors, il y a des cornichons, bien sûr, mais le condiment confit, qui, c'est la capre. D'accord, ok. Comment s'appelait l'émission de découverte que présentait Nicolas Hulot? Bah, je vous donne la réponse, c'était Ustuaïa Nature. Ouais, on n'est pas d'humeur à écouter des trucs calmes comme ça. Hein, on est d'humeur à écouter ouais, des trucs. Oui, non, mais même là, quand il y avait. Là. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais sur ce générique. Tant pis, c'est pas grave. À quel boys band doit-on le tube partir un jour en 1996? Vous avez répondu Alliage. Alliage, c'est ça. Et 2B3, c'est ça. Le saint patron des boulangers, c'est Saint-Honoré. Oh ouais. Et mon petit chouchou dans la série des X-Men qui incarne Wolverine, c'est Hugh Jackman, qui est souvent tout nu, parce que Wolverine est éternel, je sais pas pourquoi, mais il est souvent face à l'air. Et ça ne nous déplaît pas. Les fesses à l'air avec des sabres en guise de doigts, faut qu'ils fassent attention quand même. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, mais... On peut quand même se blesser très vite. Six bonnes réponses pour vous, Thierry. Insuffisant pour le séjour au parc Astérix, mais je vous envoie une montre RTL. Je vous embrasse, Thierry. Moi aussi. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'en profite pour réaccueillir Élodie qui a joué avec nous tout à l'heure et l'applaudir, puisque Élodie, vous gagnez le séjour au parc Astérix. Merci, Astérix. Ah, trop mignon. Il y a mes enfants. Alors, mais donnez le prénom de vos deux enfants, Élodie. Alors, il y a Thomas. Oui. Et Mathéo. Et bah Thomas et Mathéo vont partir en famille au parc Astérix pour ce séjour. 4 entrées pour 2 jours au parc Astérix. La nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux ou la Cité Suspendue ou un des hôtels partenaires du parc. Les 4 petits déjeuners et les 4 dîners sont offerts. Vous allez pouvoir profiter des 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc. Bravo Élodie. Oh, super, merci, ils sont super contents. Félicitations. Et un bon mois de juillet. Et ben vous savez quoi, et je vous souhaite aussi un bon mois d'août parce qu'on est comme ça, on n'est pas chiche. On va revenir demain matin, horaire d'été à partir de demain. Nous serons là dès 9h15 pour le grand quiz de l'été. Merci beaucoup Caroline, je vous laisse vous précipiter sur les Champs-Élysées pour accueillir les joueurs de l'équipe de France de ouais, foot. Ouais, j'écoute toute l'été.